bien que je grossis. Du ventre et du menton, moi je grossis. Mais ne vous moquez pas, ce n'est que ma faute à moi. Je mange. Je grossis, je vois bien que je grossis. Des jambes et des bras, moi je grossis. Et arrêtez de rire, mon état s'empire. Je vois bien que je grossis. Du ventre et du menton, moi je grossis. De moi vivent autour mes poignées d'amour. Je mange. Je grossis, je vois bien que je grossis. Des jambes et des bras, moi je grossis. Mais j'aime trop la pizza, elle n'attend que moi, je la mange. Des bras, moi.